Radio Dio. Salut à tout le monde, bienvenue dans Overdrive. C'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Dio. En ouverture, vous avez écouté Annihilator avec cet album Never Neverland. On annonce le triste décès du chanteur Corbin Farr, qui était chanteur sur ce deuxième et peut-être l'un des tout meilleurs albums de Annihilator, Neverland. La nouvelle est tombée cette semaine. Il n'était plus vraiment actif dans le milieu de la musique depuis quand même de nombreuses années, et même si Jeff Waters a annoncé qu'il était toujours en contact avec lui. D'ailleurs, c'est lui qui a annoncé la nouvelle. Voilà, on devrait avoir de l'excellente musique dans Overdrive sur le 895 de Radio Duo. Ce soir, restez bien dans votre rocking chair à écouter votre tuner. Et c'est parti pour de la vieillerie qui nous fera plaisir à mes compères de Pop Dreams. Il s'agira du dernier album de Deep Purple avec son album 2 Equal 1, et ce sera A Bit on the Side, sur lequel on entend le nouveau guitariste du groupe mythique de l'institution anglaise. City, Charlene. Now you work in the underground scene. You've been getting bolder, now you're leaning on the shoulder. I can guess how you want things to be. Climbing up this old marine tree. Well, that won't do it for you or me. No, no, I don't want no left or right. I won't up and down. Charlene, though I couldn't help but notice, my darling, makeup don't quite cover up the early evening shadow on your head, igniting your mind, Charlene. I have to say it's alright by me. I don't care which way you lean. I don't want no left or right, I want front and back in a little bit. Side. Yes, voilà le dernier album de Deep Purple. Pour refaire un retour sur ce disque, sur lequel on entend Simone McBride qui remplace Steve Morse dans l'institution anglaise qu'est Deep Purple. Maintenant, on continue avec le dernier album de Crazy Licks. Crazy Licks, un excellent groupe de sleaze hard rock qui vient de sortir sur Frontiers Records. Ça s'appelle Thrill of the Bite, pardon. Et ce sera tout de suite Little Miss Dangerous. Il me semble que ce Little Miss Dangerous était le nom d'un album de Ted Nugent. Ted Nugent au milieu des années 80. Voilà pour Crazy Licks qu'on va envoyer d'ici une toute petite minute, le temps simplement de démarrer les platines de Overdrive Radio. Duo. We'll be right back. Never Enough, merci, en live au Hellfest pour Tarja Turunen, ex-chanteuse de Nightwish, ici bien entendu en solo, donc Tarja sur cet album live. Et on enchaîne maintenant avec l'ancien bassiste chanteur de Nightwish qui nous a sorti cet album Roses from the Deep sur le label Nuclear Blast au courant du mois de février, et ce sera le morceau Proud Whore qu'on écoute tout de suite. Je crois qu'il ne s'agit pas d'un hommage à son ancienne chanteuse, puisqu'ils font ici un duo ensemble qui on avait déjà diffusé précédemment dans Overdrive Radio Duo. We'll be right back. Yes, maintenant encore un live pour Overdrive. Ce soir, il s'agira de Alice Cooper. Alice Cooper avec ce Theater of Death qui vient de voir le jour sur Hear the Music, qui reprend un concert de 2009 sur lequel on a une superbe setlist comprenant vraiment tous les gros classiques de la star du shock rock américaine. Et ce sera non pas l'un des classiques des années 70 que j'aurais pu très bien choisir ce soir, mais un bon titre paru sur l'album Brutal Planet qui voyait Alice Cooper se réinventer et ça donnait une couleur un peu plus industrielle. Il avait notamment travaillé avec Trent Reznor sur cet album-là. C'était l'album également sur lequel la période sur laquelle Rob Halford avait sorti l'album Voyeur également. Donc on avait vraiment toutes ces vieilles stars des années 70 qui se renouvelaient, qui se donnaient un son un peu plus actuel, moderne et musclé. Ici, Wicked Young Man par Alice Cooper en live. Et c'est bien sûr sur Overdrive Radio Duo. Alice Cooper en live, Wicked Young Man sur ce Theater of Death. On continue avec ce guitariste français, Fanalo, qui assurera la première partie française de Freak Kitchen. Ils passeront notamment à Lyon, à La Rayonne, le 8 mars prochain. Réservez dès à présent votre soirée. C'est dans deux toutes petites semaines. Et pour l'heure, on va diffuser ce premier album qui voit le jour sur la Clonosphère faire, sur lequel on a beaucoup d'invités, et pas des moindres, comme ce Jeff Scott Soto, qu'on a connu bien entendu aux années de belles années de Talisman, ou également bien entendu Sons of Apollo avec Yngwie Malmsteen. Et pourquoi je cite Talisman? Parce que sur ce hard rock ici qu'on a sur ce morceau 8 for Sale, il me rappelle les vieux albums, enfin les excellents albums des années 90 de Talisman, Humanimal ou alors Genesis. Également Fanalo avec Hate for Sale en première partie de Freak Kitchen. Alors si la première partie est aussi bonne que ce morceau, qu'est-ce que ça va donner que le groupe de Matthias Ia et Klund en live? Love in disguise is hate for sale, seduces everyone, you get all that you pay for. Oh, we color the lines with hate for just begun. We all know what's in store. se disent, ils font souffrir des gens en piste, ils ont des kiffs pour leur plaisir et tout détruire. Quand on est sacré idole, notre vie devient plus folle. Quand on est sacré idole, plus besoin de boussole. Scott Pilgrim n'est pas un héros, tous ces modèles vous bouffent le cerveau. Les youtubeurs, on vous voit, les rugbymen, faites pas les malins. Ce qui me terrifie, c'est qu'on s'entend que ça crée du profit. Tu ne me reconnaîtras plus, je me ferai beau pour toi. Tu ne me reconnaîtras plus, je me ferai beau pour toi. Je vais rester fidèle à mes envies, pas me trahir pour réussir. Deux, trois santé, coupé en train, right down, un peu de corps. J'aime à moitié ce que je fais, mais ça me permet d'exister. Ça va, c'est proche, c'est presque moi, je fais pas non plus du fric. Quand on est sacré idole, notre vie devient plus folle. Quand on est sacré idole, plus besoin de boussole. Tu ne me reconnaîtras plus, je me ferai beau pour toi. Tu ne me reconnaîtras. Je me ferai beau pour toi. Nous envie. À ma gauche, en challenger, nous avons l'ego. Face à ma droite, au champion en titre, le regard des autres. Mon cher Boris, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, voilà, les statistiques parlent d'elles-mêmes. Sur le papier, un net avantage pour le regard des autres, qui cherche toujours à faire des petits coups bien bien vicelins pour le bon jeu. C'est comme ça que je vis dans cette monotonie qui que les ombres prennent forme humaine quand on les appelle. Il arrive que les tu ne me reconnaîtras plus. Je le ferai beau pour toi. Vous venez d'entendre sur MNO Music Helm avec Sacrées Idoles, paru sur cet mini-album. 5 titres, une très bonne sortie de ce premier trimestre 2025. Il s'agira de cet album Andromeda par le groupe March of Scylla. Après 2 EP, ce groupe français nous sort son premier album complet, une énorme prod, une superbe pochette qui devrait plaire un petit peu à tous ceux qui s'intéressent à un côté un peu conceptuel et spatial en même temps. Donc vraiment, jetez-vous sur cet album et prêtez attention à ce groupe. Il nous joue un métal progressif moderne qui emprunte bien à la fois à des groupes comme la scène djent, comme on appelle maintenant, et des côtés un peu plus énervés avec un côté lourd également. Andromeda, March of Scylla, et ce sera le morceau qui ouvre l'album avec Ulysses Lie. We'll be right back. March of Silas, tout de suite sur Overdrive. Il est 22h, passé de 25 minutes. March of Silas, Andromeda avec Ulysses Lies. On espère avoir le groupe en interview dans les prochaines semaines. Maintenant, dans Overdrive, on va passer aux Américains de Killswitch Engage qui nous reviennent avec leur dernière livraison. Ça s'appelle This Consequence et on envoie le morceau Forever Aligned. Et maintenant, c'est au guitariste de Ryujin de sortir cet album solo, hommage au groupe Children of Bodom, on va dire, morceaux, tout simplement, des reprises de Children of Bodom par Ryuchi, qu'on va écouter tout de suite. Ça voit le jour sur Napalm Records et ce sera l'un des classiques de la première période du groupe finlandais. Il s'agira de Lake Bottom, qu'on rendra bien entendu hommage à ce bon vieux père Alexi Laiho, pas décédé il y a de ça maintenant un peu plus de 5 ans. Ça passe tellement vite. We'll be right back. Cradle of Filth, qui devrait nous sortir dans les prochaines semaines, les prochains mois, un excellent album, comme vous venez de l'entendre, avec To Live Deliciously, qui devrait sortir sur Napalm Records. Maintenant, il est temps de passer à Scour, qui voit le jour sur Nuclear Blast, le projet de metal extrême de Phil Anselmo, qu'on envoie tout de suite sur Overdrive Radio Duo. Vous venez d'écouter ce groupe Mork Grinding avec ce morceau Tornet pour du black metal à l'ancienne tout de suite, et on va passer maintenant quelque chose d'un petit peu plus lourd avec groupe Vacuous qui nous sort cet album In Is Blonde. Donc la bio nous rapproche de groupes comme Bold Flowers, qui ne serait pas pour me déplaire puisque j'ai écouté tout simplement les anglais de Bold Flowers cette semaine et que je me remettrais bien un petit coup entre les oreilles. Vacuous, tout de suite, ça vient de voir le jour sur Relapse Record, In His Blood, avec le morceau Hunger qu'on va démarrer et quasiment terminer Overdrive ce soir. Yes, on va maintenant terminer Overdrive ce soir et on va terminer avec un hommage à Corbin Farr, chanteur de Annihilator sur l'album Never Neverland. Pas assez d'hommages n'y ont été rendus suite à sa triste disparition. Bien entendu, il n'était plus vraiment actif ces dernières années. Néanmoins, ça reste un disque absolument essentiel pour le metal et le thrash metal. Voilà, on rappelle le www.radiodio.org, le www.facebook.com/overdrive-radiodio et également la page Instagram du groupe. Voilà, ça devrait être un très bon concert la semaine prochaine de Freak Kitchen. Ce sera le 8 mai prochain du côté de La Rayonne. On en rediscutera la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et écoutez de l'excellente musique. On se termine avec Phantasmagoria.